Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Saint-Germain des Prés, c'est pas pour les gens comme nous. Si tu me regardes de près, je ressemble encore au 9-3. Ne me demande pas ce que je deviens, moi non plus je ne sais pas. À quoi bon t'appeler, tu ne décrocheras pas. Allô, allô. Comme un tableau, je me dirige vers la vie de Pablo Escobar, Picasso. Paris en hiver, entre les routes et les travaux, entre les doutes et le chaos, entre le clou et le marteau. Allô, allô, je suis dos au mur comme un tableau. Je me dirige vers la vie de Pablo Escobar, Picasso. Paris en hiver, entre les routes et les travaux, entre les doutes et le chaos, entre le clou et le marteau. Fille du calvaire non plus, c'est pas fait pour les gens comme moi. À la main j'ai un verre, et d'habitude je ne bois pas. Nonobstant nos problèmes, j'ai tenu toutes mes promesses. Inexorablement, un jour tu auras le manque de nous. Ils disent que Paris c'est la ville de l'amour. Mais pourquoi on ne s'aime plus? Allô, allô, allô, allô, allô. Dos murs comme un tableau, je me dirige vers la vie de Pablo Escobar, Picasso. Paris en hiver, entre les routes et les travaux, entre les doutes et le chaos, entre le clou et le marteau. Allô, allô, je dos au mur comme un tableau, je me dirige vers la vie de Pablo. Pablo, Paris en hiver, entre les routes et les travaux, entre les doutes et le chaos, entre le clou et le marteau.